J'ai des complexes qui m'empêchent de vivre à l'intérieur. Je sens que j'étouffe. Prenons le temps d'en parler. Laissons-les là de côté. Je prends le large, je ne m'en voulais pas. Il paraît que la vie me tend les bras. Au soleil et droit devant un belvédère en bord de mer. Je prends le large, je ne m'en voulais pas. Il paraît que la vie me tend les bras. Au soleil et droit devant un belvédère en bord de mer. Au soleil.